comme chaque jour, je me levais de mon lit, prêt pour affronter une longue journée de soucis. J'ai pas fait mes devoirs, je n'ai rien appris. Désolé hier soir, j'étais sur mon ordi. En prenant mon petit déj, j'ai pensé à toi. Ça m'a donné le sourire et que de penser à toi. Donc j'ai fait ce que je devais faire, je suis sorti de chez moi en espérant pouvoir faire cette route avec toi. Mais y avait personne, donc j'ai pris mon iPod, un peu de Zigmur, R&B sous l'iPod. Je suis rentré au collège, j'ai vu son regard, vu son sourire, ça m'a redonné le moral. Je ne peux oublier tous ces moments-là, nos amours d'école. C'était léger dans ses yeux et moi j'aimais ça. Nos amours d'école, nos amours, nos amours, nos amours d'école. Nos amours, nos amours, nos amours d'école. Oui, d'un coup elle détourne son regard vers le mien. Donc moi d'un coup je change le mien. Putain, elle m'a regardé, j'étais trop content. Elle vient ensuite me voir, début d'un bon moment. On commence à parler, un peu timidement. Salut, ça va, ouais merci, et toi, cool, tranquillement. La sonnerie retentit, on se dit à tout à l'heure. On est dans la même classe, donc c'est pas la fin du bonheur. Je m'assois à côté d'elle, prêt à la taquiner. Je bolle sa trousse, mon mal veut la récupérer. J'essaie justement de ne pas lui donner, pour que ce moment ne puisse jamais se terminer. C'est le chamaillement, tout le monde nous en veut. Tout le monde crie ouh, les amoureux. On se regarde en rigolant, commence à rougir. Et je me dis si seulement ça pouvait la faire réagir. Je ne peux oublier tous ces moments-là, nos amours d'école. C'était mes yeux dans ses yeux et moi j'aimais ça. Nos amours d'école, nos amours, nos amours, nos amours d'école. Nos amours, nos amours, nos amours d'école. Je lui donne mon MSN, on commence à parler. Webcam, clin d'œil et jeu à volonté. On rigole, on déconne comme des vrais gamins. Tu dois partir, ok, bah vas-y à demain. Et moi j'étais content, le sourire d'une belle enfance. J'attendais le lendemain avec impatience. C'était toujours la même chose, les mêmes moments, jusqu'au jour où elle change d'établissement. Je ne peux oublier tous ces moments-là, nos amours d'école. C'était mes yeux dans ses yeux et moi j'aimais ça. Nos amours d'école, nos amours, nos amours, nos amours d'école. Nos amours, nos amours, nos amours d'école.